que j'avais quitté l'arène. Pas connu. C'était effacé. Je suis celui qu'on efface jamais, même quand l'écran s'éteint, je reste allumé dans le leader, skill, pixel, mortaire, stream ou pas, je fais trembler le ciel. Les faux rois se sont barrés, je suis resté seul sur la dalle, apparaît dans le vide comme un fantôme qui s'installe. Pas besoin de lumière, pas besoin de signe, j'ai ma voix rauque, j'ai mon stream en ruine. Fragment 1. Toujours vivant. Reader skill. Ça disparaît pas. J'ai streamé dans le sang dans la nuit quand la fibre lâche. Je me passe en bridge, clic, je vise loot, je repars. C'est chaque viewer est une lame dans le dark. J'ai vu des pseudos grandir puis fuir. Je les vois maintenant se planquer, vouloir revenir trop tard. Rire qu'il les a notés. Et la mémoire, elle s'efface pas. Jamais. S'efface pas, jamais.